Mithridate régna sur le pont en Asie occidentale au 1er siècle avant notre ère. Il fut vaincu par le général romain Pompée. On dit que les canards du pont se nourrissent communément de poison. Lénéus, affranchi de Gnaeus Pompée, rapporte que Mithridate, le fameux roi de Pont, qui avait une connaissance approfondie de la médecine et surtout des poisons, mêlait à ses antidotes le sang de ses canards comme un ingrédient très efficace et qu'il se préservait par un usage continuel de ces mélanges des embûches qu'on pouvait lui tendre à table. Souvent même, il y arriva d'avaler, de propos délibérés par bravade, un poison subtil et prompt, et toujours impunément. Aussi, lorsque plus tard, vaincu les armes à la main, il se fut réfugié au fond de ses états et résolu de se donner la mort, il essaya inutilement des poisons les plus violents pour la hâter et finit par se percer de son épée.